Ceci est un audio généré issu de l'article Choc migratoire en Grande-Bretagne, privilèges et tensions à Londres. Disponible sur le site conspiract.com. Les sources et vidéos sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Petite mise au point essentiel, en Grande-Bretagne, la quasi-totalité des personnes qui créent l'indignation des Britanniques ne sont pas des migrants illégaux au sens administratif, mais avant tout des demandeurs d'asile enregistrés par le Home Office. Leur demande est en cours de traitement, ils sont légaux tant que la procédure n'a pas abouti, et c'est pourquoi ils bénéficient, le temps de l'attente, d'un minimum social, logement, nourriture, indemnité de base. Selon les documents officiels, le Royaume-Uni a recensé 111 084 demandes d'asile sur un an, entre juin 2024 et juin 2025, soit un niveau record source Home Office. Fin juin 2025, on comptait 32 059 demandeurs d'asile logés en hôtel sur fonds publics, dépêche Xinhua. Obtenir l'asile au Royaume-Uni, simple sur le papier, difficile en vrai. Faire une demande d'asile en Grande-Bretagne n'est pas un jeu d'enfant. Il faut se déclarer officiellement dès l'arrivée, prouver qu'on a fui des persécutions, guerres, tortures, menaces pour sa vie ou pour sa liberté, raconter précisément son histoire et fournir, autant que possible, des documents et preuves crédibles. Les autorités examinent chaque dossier au cas par cas. Beaucoup voient leurs demandes refusées, souvent après des mois ou années d'attente. Seules les raisons graves et vérifiables, danger réel, appartenance à une minorité persécutée, opinion politique contestataire, sont acceptées. Voir ici source officielle. Les « migrants illégaux ». Les migrants réellement illégaux, c'est-à-dire présents sans procédure, ou déboutés et restés en UK, n'ont officiellement droit à aucune aide, pas d'allocation, pas de logement. Beaucoup vivent cachés ou se débrouillent au noir ou grâce à des associations, mais restent difficiles à dénombrer, la plupart des estimations aussi entre 700 000 et 900 000 personnes pour tout le Royaume-Uni, selon l'Oxford Migration Observatory. Sur un plan strictement légal, confondre ces deux statuts alimente des fantasmes et brouille la compréhension. Pratiquement toutes les aides financées par l'État ciblent des demandeurs d'asile légaux, pas ceux qui restent en dehors des radars administratifs. Londres sous tension, crise migratoire, rue en ébullition et chiffres chocs. Ça fait des années que tout cela dure, mais depuis ces derniers mois, tu sens que Londres n'est plus la même. Les quartiers s'animent, pas forcément pour les bonnes raisons. De Camden à Paddington, des arrivées massives de migrants illégaux secouent la ville. Des familles, des jeunes isolés, beaucoup d'hommes, débarquent dans des hôtels réquisitionnés en urgence. On retrouve leurs traces à l'hôtel, dans les quartiers, parfois dans des campements improvisés près des gares. Certains voisins parlent de situations explosives, ambiance à fleur de peau, tension jour et nuit. Point les commerçants hésitent, certains veulent aider, d'autres s'inquiètent pour la sécurité. On ne reconnaît plus le quartier. Les clients se plaignent, mais que faire ? Lance un boucher sur Oxford Street. Difficile d'y voir clair, rumeurs d'invasion, quotidien compliqué, sentiment de déséquilibre chez les riverains. Tout le monde en parle, mais personne ne vit la même réalité à Londres. Le suspense reste entier. Avantages réels ou exagérés pour les migrants ? Privilèges des migrants illégaux, fantasmes ou faits qui font grincer ? Parlons vrai. La rumeur court qu'ici, logement gratuit, argent de poche et soins NHS réservés pour ces migrants pas comme les autres, pendant que certains locaux dorment encore dehors. Hôtel transformé en foyer, 3 repas par jour, 70 pounds hebdomadaires, officiellement c'est 49 pounds, même des smartphones fournis. Voilà ce qui circule sur X, TikTok. Témoignage côté riverain, moi, je n'ai pas de place pour mes gamins à l'école, eux ont même des traducteurs, les travailleurs sociaux corrigent, l'accueil se fait dans l'urgence, les conditions sont parfois précaires, mais il y a bel et bien des aides spécifiques. Le Home Office confirme des budgets records pour loger et nourrir les nouveaux venus, justifiés par la situation d'urgence mais qui crispe la population The Times. Certains scandales éclatent, un dentiste pour eux, attente interminable pour les Anglais, ou encore des trouvailles de drogue ou d'armes dans les hôtels. Mais derrière chaque cas, ce n'est pas toute la communauté qui doit être pointée. La tension monte car le ressenti dépasse souvent la réalité. Les réseaux véhiculent du sensationnel, la capitale s'échauffe, la vérité, elle, se trouve souvent entre deux vidéos chocs et trois statistiques officielles. Bientôt, rues et places se remplissent de citoyens qui veulent dire stop ou défendre les migrants. Place à la rue, place à la colère. Manifestation à Londres, la rue explose, la colère gronde. Ces dernières semaines, Londres s'est transformée en arène. Des milliers de citoyens descendent dans la rue, pancartes « Stop the Hotel », cri d'alerte dans les quartiers du centre ou à la périphérie. D'autres se regroupent pour soutenir les migrants, créant des face-à-face tendus sous les yeux des caméras BBC. Les slogans claquent. D'un côté, « We want our country back » et « No more free hotel ». De l'autre, des appels à la solidarité, au respect des droits humains. Au milieu, familles, commerçants et riverains assistent, inquiets, à la surchauffe. Le maire de Londres tente de calmer le jeu, rappelle la responsabilité nationale, mais les tensions s'enracinent ITV London. Des experts en sécurité le confirment, la peur n'est pas seulement liée aux chiffres, mais à un sentiment d'abandon et d'iniquité chez beaucoup d'Anglais. D'autres ont peur pour leur identité d'âme et génération à venir tellement le phénomène est préoccupant pour eux. Londres vit donc une fracture réelle, pour certains, c'est le début d'un ras-le-bol généralisé, pour d'autres, un risque de bascule populiste. Le suspense grandit, la ville peut-elle encore absorber ce choc, ou voit-on l'aube d'un mouvement qui dépasse la simple question migratoire ? Et on n'a pas encore parlé de la délinquance galopante. Demandeurs d'asile et criminalité, chiffres réels, perceptions et zones d'ombre. Sujet brûlant, l'impact des demandeurs d'asile sur la délinquance au Royaume-Uni divise, alimente rumeurs et caricatures. D'après l'Oxford Migration Observatory, la présence de demandeurs d'asile dans une zone donnée se traduit par une légère hausse des délits contre les biens, vols, cambriolages, plus 1,1%, mais n'augmente à la violence ou les agressions graves. Ce chiffre, calculé sur 10 ans, reste marginal au regard du volume total de la criminalité. Aucune source officielle du Home Office ou de l'ONS n'indique que l'insécurité explose avec l'arrivée de migrants, mais la visibilité des faits divers amplifie la crispation statistique gouvernementale 2025. Il faut parler vrai, certains demandeurs d'asile peuvent commettre des délits, vols, consommation de drogue, bagarres, à fuir leur pays non pour des raisons politiques mais pour échapper à la justice locale, ou pour continuer sur place des trafics entamés avant. Il est difficile de quantifier ce phénomène puisque le Home Office ne publie pas de taux de criminalité par origine ou par type de visa ONS Freedom of Information. Les associations admettent que la précarité, malgré les aides donc, le traumatisme, le déséivrement favorise parfois l'apparition de comportements à risque, y compris la violence ou le trafic de drogue au voire asylum et de criminalisation report. En vérité, il y a des demandeurs qui ont un passé sain mais, comme partout, une partie vient salir l'ensemble, certains se vendent de cicatrices, sont vendeurs de stupéfiants, exhibent des armes ou sont repérés en flagrant délit. En plus du choc culturel, ce sont surtout ces cas-là qui nourrissent buzz et rumeurs, la suspicion se généralise, alors qu'elle ne reflète à tous les migrants. Mais alimente en tout cas tous les ressentis et les colères actuelles. Info, intox, la bataille de l'opinion et la récupération politique. Au cœur du tumulte, les réseaux sociaux explosent. Vidéos de migrants recevant smartphone ou cash, images d'hôtels bondés, tout devient viral, repris et détourné selon les camps. Les influenceurs, qu'ils soient anti ou pro-migration, soufflent sur les braises en propageant l'inquiétude sur cette faille énorme du système. Des titres racoleurs, des clips sensationnalistes mêlent réels et exagérés. L'emballement n'est pas anodin, chaque incident, chaque plainte, chaque privilège jugé insultant devient une arme politique. Des élus surfent sur la vague, ils dénoncent le laxisme londonien, réclament l'expulsion massive, ou accusent au contraire les populistes de manipulation. Mais au final, beaucoup d'Anglais se sentent perdus, où est la vérité ? Les chiffres et les faits se noient dans le bruit, la capitale vit au rythme des émotions. La vraie question, qui façonne aujourd'hui le débat migratoire, où et dans quel but ? La tension grimpe, mais une nouvelle phase s'ouvre, faut-il durcir, dialoguer ou faire sauter le système ? Qui sont ces étrangers qui surveillent ces hôtels ? Les abords des hôtels hébergeant des migrants au Royaume-Uni sont sous haute surveillance, mais il ne s'agit pas d'une force paramilitaire étrangère comme le suggèrent certaines rumeurs. La sécurité est assurée par des sociétés privées mandatées par les chaînes hôtelières ou directement par le Home Office, on y trouve d'anciens militaires britanniques, mais aussi du personnel civil ou, parfois, des agents d'origine étrangère recrutés par de grandes entreprises internationales de sécurité ou d'hospitality on the Telegraph. Leur mission, contrôler les accès, limiter les débordements, rassurer riverains et gestionnaires. La présence d'agents étrangers qui parlent parfois la langue de certains migrants ou entretient la suspicion, mais aucun rapport officiel n'a démontré l'existence de groupes militarisés ou de réseaux parallèles surveillant les nouveaux arrivants pour le compte d'organisations extérieures. En réalité, cette gestion nourrit les tensions et la méfiance des Anglais qui demeurent palpables autour de ces hôtels. Et maintenant ? Entre clash, solution et quête d'équilibre. Le choc migratoire à Londres laisse tout le monde sur les nerfs. Que faire maintenant? Certains élus réclament un durcissement drastique des lois, l'augmentation des expulsions et la fin des hôtels gratuits. D'autres, au contraire, appellent à plus d'écoute, de médiation et à la mise en place de quotas raisonnables. Sur le terrain, des associations lancent des plateformes de dialogue entre riverains, migrants et travailleurs sociaux. Parfois, ces échanges apaisent les esprits. Quand on met un visage sur une histoire, la colère retombe, mais il faut du courage pour oser le premier pas de gardien. Faut-il tout casser ou inventer un nouveau modèle d'accueil? La pression monte sur le gouvernement, qui hésite entre coups de menton et appel au compromis. Une chose est sûre, l'avenir de Londres et peut-être du pays entier dépendra de la capacité à sortir du face-à-face et à entendre la complexité de la situation. Le suspense reste entier, la capitale des contrastes saura-t-elle retrouver une forme de sérénité, ou la fracture va-t-elle s'élargir pour de bon? Ou encore pourquoi une aide ressemble à un « remplacement » de la population et en une volonté de dégrader le niveau de vie du peuple? On n'a pas tout traité et pourtant le sujet mène à des questions existentielles. Ce qui est sûr, c'est que tout est fait pour stresser la population. Passeurs, la filière du crime, mais surtout une manne pour le privé. Pendant que les passeurs s'enrichissent côté clandestin avec les traversées et la pression migratoire, le gouvernement britannique multiplie les budgets. Plus de 3,7 milliards de livres de contrats publics ont été accordés à des sociétés privées pour la sécurisation des frontières, la gestion des centres et la technologie appliquée contre la migration illégale depuis 2015. Les grands gagnants de cette industrialisation? Une poignée de sociétés, Mitty Group PLC, gestion des centres d'accueil, plus de 500 M, Serco, transfert, rétention et logistique, G4S, gardiennage, transfert, Fujitsu et IDM, services biométriques, 120 M de contrat, Galifort Trail Construction, bâtiment centre Manston, 170 M, Deloitte, conseil et techno, Ledo, infrastructure électronique, et Tekever, Entrust, LB System, Enduril, Capita, Wachtel UK, Kongsberg Nord Control ou Enterprise Rent-A-Car pour tous ceux qui touchent à la surveillance intelligente ou à la logistique frontalière, rapport universitaire 2025. Ces galaxies d'opérateurs se partagent des centaines de millions de livres chaque année, garde, caméra, radar, IA, biométrie, barbelés high-tech et même restauration et coaching. Une partie du business échappe à tout regard citoyen, la plupart des contrats étant signés sans appel d'offres publiquement transparent. Pendant ce temps, les circuits mafieux ajustent leurs pratiques et les enjeux humains se noient dans la bataille des milliards. Bref, la frontière est devenue autant un marché qu'un enjeu politique.